Music Live sur Fadjet avec Yo tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois. Et ce soir, c'est un rétro live music collector. Eh bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net et d'ici quelques heures sur Fadjet.net pour avoir aussi le podcast de l'émission. Alors, parmi les nouveautés, les petites nouvelles que je vais vous présenter tout au long de l'année, en voilà une qui va vous rappeler des bons souvenirs. On a appelé ça le Retro Live Music Collector, c'est-à-dire en Lorraine, dans l'histoire, dans le 20e siècle, on va dire, les grands concerts qui ont eu lieu chez nous en Lorraine. On va commencer par un concert absolument extraordinaire. C'était Woodstock ce soir-là. C'était le 13 juillet 1983. Ça vous dit quelque chose? C'était pas Nancy, c'était à Metz. Mais il y en a d'autres sur Nancy qu'on verra au fur et à mesure. Donc à Metz, le 13 juillet 1983, la veille du 14 juillet, et c'était une soirée au stade Saint-Symphoria avec Supertramp. Eh ouais, Supertramp est venu à Metz en 83 lors de sa plus grande tournée mondiale. Alors bien sûr, il y a la tournée 78 à Paris, où il y a un disque qui est sorti, mais 83 a été vraiment la plus grande tournée des Supertramp. Et d'ailleurs, fatigué après plus d'un an et demi de concerts chaque jour ou tous les deux jours, c'est là qu'a commencé le début de la fin pour le groupe qui s'est séparé en 85, mais les gens en 83, ils avaient plus envie, ils étaient cuits. Voilà, donc on est cet après-midi là au stade Saint-Symphoria. Et c'est pas pour aller messe, hein. C'est pour aller la musique. Il est 15h, les jours, les portes s'ouvrent. Il fait 35 degrés. À Cagnard, pas possible au Starmer, au stade Saint-Symphoria. Tout le monde est vite en torse nu. Il y a même des canons à eau qui vont arroser le public tellement qu'il fait chaud. Et donc c'est une grande soirée qui commence. Le premier concert a lieu à 17h. En fait, il y aura trois artistes qui vont se succéder sur scène. Le premier, c'est un jeune artiste qui est un peu connu en Angleterre, parce qu'il est anglais. Il est un tout petit peu connu aux États-Unis. Un peu en Allemagne, en Hollande, pas trop en France. Je crois que c'est sa première tournée en France. Ce chanteur-là, cet artiste-là, n'est autre que Chris de Burgh, qui viendra célèbre 3 ans après avec sa chanson Lady in Red, qui sera un tube mondial. Alors on va démarrer, on est à Saint-Symphoria là. Il arrive sur scène et il attaque avec cette chanson. When I wake up in the morning, she's there with a sleepy smile and a long night of windy hair. When I hold her close beside me, well, it feels so good that I'd like to stay here all day long if there's a way that I could. Then we go downstairs and start off on another day. Just one more cup of coffee and I'm on my way. We may not have perfection, but we're halfway there. And I know it's sentimental, but I just wanted to say, that all the love I have inside is for you. All the love I have inside is for you. All the love I have inside is for you. Oh, oh, oh, oh. when I've had a heavy day and I'm going home. She gives me time if she sees I want to be alone. Ah, but when the evening's over and we go to bed, here comes the same old feeling. It's like a song in my head. Well, all the love I have inside me is for you. All the love I have inside me is for you. All the love I have inside me is for you. Yeah. All the love I have inside me is for you. Oh, oh, oh. Voilà, Chris de Burgh, qui deviendra très très célèbre quelques années après. Saint-Symphoria, il y avait officiellement 20 000 personnes. Très honnêtement, je crois que la billetterie, il y avait au moins 25 000. Entre 25 000 et 30 000, probablement, heureusement que tout s'est bien passé. C'était blindé, blindé, blindé, blindé. Et on a passé une super journée. Et c'est là que la musique est plus forte que tout, puisque entre Messin et Nancéen, c'est souvent la rivalité. Et ben là, pour la musique, on se retrouve tous. Il y avait des Luxembourgeois, des Allemands, des Suisses, des Belges. Bon, il y en avait partout qui venaient. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à l'ami de Vannes, Pascal, qui deux jours après va aller voir lui au stade du Moussoir, juste à côté de Vannes, à Lorient. Voilà, on en a souvent discuté, qu'à deux jours près, on avait vu le même concert. Donc, Chris de Burgh sort, il a joué une heure, hein. C'était prévu 45 minutes, et le public en a redemandé encore et encore. Il a joué trois titres de plus, il a joué une heure. Donc il a déjà dépassé dès le départ le timing qui était prévu. Ensuite, c'est une star, une idole qui arrive sur scène, c'est Joe Cocker. Joe Cocker, c'est Woodstock. Joe Cocker, c'est un maître de l'arrangement. Il arrive à reprendre des chansons, parce que son répertoire est surtout fait de reprises de chansons qu'il a complètement magnifiées, changées, transformées, et qui deviennent des secondes vies. Ça a surtout été ça, son grand travail, son grand mérite, avant que dans les années 85... À partir de 85, on vient vers lui pour lui proposer les compositions. Et là, il s'est encore réenvolé vers de nouveaux cieux, puisque déjà ce qu'il avait avant était déjà magnifique. On va le retrouver dans une de ses plus belles chansons, à mon avis, qui est You're So Beautiful, qui a été composée et écrite par un musicien qui l'a chanté, et dont je vous ai parlé dans la toute première émission de Music Live, qui était le quatrième Beatles. Il y a même eu un cinquième Beatles avec Eric Clapton, mais ils n'ont jamais figuré sur les pochettes des Beatles, lui non plus. Et on va l'écouter, et on va écouter donc Joe Cocker dans cette belle reprise de Billy Preston. You're so beautiful, love. L'ambiance monte à la messe. You're everything I need, yeah. such joy and happiness you bring, such joy and happiness you bring. Like a dream, a guiding light that shines in the night. Heaven's gift to me, you are so beautiful. Voilà, Joe Cocker, c'était à Metz au Stade Saint-Symphorien le 23 juillet 1983, où il y en a plein parmi vous, les auditeurs, qui se souviennent de cette soirée-là, une soirée gigantesque, merveilleuse. Pour moi, ça reste le plus bel plein air live que j'ai vu en Lorraine de toute ma vie. J'avais 21 ans à l'époque, vous imaginez, quand la chanson là est partie. Waouh! On se regardait dans le blanc des yeux avec les filles. Et il y avait vraiment une ambiance fantastique. On va le retrouver parce que lui, il est resté 1h15 sur scène, ça c'était prévu. Il n'a pas fait de rab. Et il va faire aussi une reprise d'un de ses succès les plus grands de toute sa carrière, qui a été surtout connu lorsqu'il a fait Woodstock. C'est cette vidéo qui apparaît dans le film. La chanson, c'est With a Little Help for My Friend. Et c'est une chanson, là aussi une reprise, des Beatles. Eh oui, messieurs, dames. Allez, on l'écoute. Do I? Keep on. Voilà, c'est Joe Cocker qui nous a régalé pendant 1h15. Alors pour vous situer, hein, vous situez peut-être le stade Saint-Symphorien, vous avez le côté présidentiel, donc c'était devant qu'il y avait le podium, et en fait c'était pas les grandes tribunes d'aujourd'hui, hein, c'était des plus petites tribunes, sauf la tribune en face qui était la même qu'aujourd'hui. Donc il y avait des gens dans les granats, et toute la pelouse était recouverte de personnes, tout le monde debout, hein. Donc ouais, c'est vrai que c'était chaud, mais qu'est-ce que c'était bon. Voilà, donc Joe Cocker sort de scène et arrive maintenant, bah, ce qu'on attend tous, les Supertramp, et il démarre avec ce titre. Vous vous rappelez ? Thank you. êtes bien sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net. C'est le Music Live ce soir à Retro Live Music Collector avec Supersom lors de leur passage à Metz en 1983. On va écouter deux titres avec des tubes hein, quand ils sont venus en 83. C'était la meilleure période de Supertramp. Donc on va écouter d'abord Breakfast in America et puis ensuite ça va être Give a Little Beat. Allez, go! Many beers, many Bavarian Munich beers. Very good. And when I woke up this morning, I really missed my breakfast in America. Very special. And this is my song for you. Yeah. Oh, Give a Little Bit, quel titre des Supertramp connu et reconnu partout dans le monde. On va attaquer encore avec un plus grand succès. Et même on va passer deux chansons directes pour rester dans l'ambiance de Sa Symphorie à Metz. On va écouter d'abord The Logical Song et Goodbye Stranger, deux mythiques tubes de Supertramp. Allez, c'est parti. Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed the stay, but must be moving on now, like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an earl on the road. What to say is the undisputed truth. but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain. Just a thought of those with the ladies that you give it through my veins. I would want shining, shining like brand new, and never look behind me. My troubles will be. Yeah. Yes. Bon, on était déjà sur les rotules, là, cette période-là. Ils ont joué à 1h40 à peu près. Mais c'était grandiose du début à la fin. On va se quitter, si on n'a pas le temps de faire un petit bonus, on va se quitter avec une chanson, un titre que je voulais vraiment qu'on s'écoute. C'était le Fools Overture. Bon, il parlait français hein, quand même. Il parlait un peu anglais, évidemment, mais ils ont balancé quand même quelques petits mots en français. Tout comme Chris de Burgh, qui a été aussi applaudi par ça, parce que lui, il a parlé tout le temps en français, et il en a un français excellent. Voilà, donc c'est sur cette chanson qu'on va se quitter. Full Overture, elle dure 10 minutes. C'était l'avant-dernière chanson du concert, vous vous en souvenez si vous y étiez là-bas, avant la chanson School qui a terminé le concert. Je pense pas qu'on aura le temps de l'écouter. Je regarde la technique, non, ça va faire juste, hein. Ouais, ça va faire trop juste. Donc on va s'écouter celle-là, 10 minutes. Merci encore, si vous avez des souvenirs, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, des messages sur Budget. Il y en a sûrement plein parmi vous qui ont assisté à ce concert à Metz, le 13 juillet 1983, avec Supertramp. Petite dernière info, je vais essayer sur notre groupe Music Love by Yo on Budget de vous mettre l'intégralité du concert, parce que ça vaut vraiment le... Sans pesant de cacahuètes, et puis quel souvenir pour nous tous. Voilà, merci. Bonne soirée à tous. On se quitte avec Supertramp. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Même endroit, même heure. À bientôt. Ciao! Ce concert aussi, c'est en mémoire à Rick Davis, qui nous a quittés il y a 3 mois, qui était le cofondateur de Supertramp, et qu'il manque beaucoup. C'est pour toi Rick, on retrouve Supertramp. Don't Thank you. Thank you.